Bonjour à toutes et à tous, ce vendredi 27 mars à 20h, un événement 100% local vous attend au Pâté Grenoble, l'avant-première du film « Repose en paix si tu peux » tourné entièrement à Grenoble, avec une équipe et des talents bien de chez nous, un projet ambitieux, made in Grenoble donc, et qui promet suspense et émotion. Et justement, on est avec son réalisateur Charlie Ongolo pour en parler. Bonjour Charlie. Bonjour, comment vas-tu ? Eh bien très bien, merci, et j'espère que tout va bien pour toi aussi. Ça va, ça travaille beaucoup, mais ça va. Ah oui, on imagine avec la préparation notamment de l'événement. Et justement, Charlie, en quelques mots, Repose en paix si tu peux, ça raconte quoi exactement ? Alors, Repose en paix si tu peux, ça part d'une histoire bien ancrée dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. C'est-à-dire, il y a un jeune qui est décédé, mais son corps est bloqué à la morgue depuis 3 semaines. Pourquoi ? Parce que ses parents se disputent, ils sont divorcés. La mère veut l'enterrer au Cameroun et le père veut l'enterrer ici en France. Et donc, ils se disputent. Et donc, il y a une réunion familiale qui est organisée pour savoir où est-ce que le corps va être enterré. Et justement, le film a été tourné entièrement à Grenoble. Hein. Pourquoi ce choix et justement, qu'est-ce que la ville apporte au film ? Alors déjà, moi, là aujourd'hui, j'habite en région parisienne, mais je suis né à La Tronche. Et je fais partie de l'association Shaolin Shadow, qui est basée évidemment à Grenoble. Et c'est notre premier long-métrage, et on a décidé de faire notre premier long-métrage à Grenoble, au village olympique, de tourner en grande partie là-bas. Donc voilà, parce qu'on voulait, on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui se tournaient là-bas, qui parlaient de notre ville qu'on aime beaucoup. Et donc, on voulait être les premiers à faire ça, directement dans les quartiers, de façon tout à fait indépendante. Donc, on n'a pas eu d'aide des instances, on n'a pas vraiment demandé non plus, mais voilà, on l'a fait par nos propres moyens. C'est un projet local avec des Grenoblois. Ça a été plus simple ou au contraire un peu plus challengeant à réaliser ? Ça a été compliqué parce que dans le cinéma, il y a beaucoup d'argent et nous, on n'en avait pas justement. Et ça a été un projet très humain parce que justement, là, c'était pas l'argent qui intéressait les personnes parce que les gens étaient la plupart bénévoles. Et donc, c'était... Voilà, c'était vraiment le projet et les rapports humains qui étaient au centre du projet. Parce que les rapports, quand tu demandes à quelqu'un de faire ci ou ça, parce que tu le payes, c'est pas pareil que quand il est pas payé, là, il faut être humain. Donc les rapports humains étaient très importants sur ce film. Justement, ça enquille bien sur la prochaine question que je vais te poser, Charlie. Pourquoi il ne faut surtout pas rater cette avant-première du 27 mars du côté du Pâté Grenoble ? Alors pourquoi il ne faut pas le rater ? Déjà, moi je serai là, donc je vais descendre pour l'événement et rester quelques temps. Il y aura Samia Orozman et la plupart de l'équipe du film seront là. Schmeul, Aydin, Marie, Jennifer, Sylvie, Rafik. Donc la plupart des acteurs du film seront là. Donc le film sera projeté en exclusivité pour la première fois dans un écran de cinéma. Et l'équipe du film sera là après pour un tour de projection, débat. Les gens pourront poser des questions et tout ça. Donc c'est un moment à ne pas manquer. Donc venez, on vous attend. C'est 20h, c'est pas 21h, c'est pas 18h, c'est 20h. Au Pâté Grenoble. Et je préfère vous le dire à l'avance, il reste plus beaucoup de place, donc dépêchez-vous. Effectivement, et on rappelle, hein, c'est vendredi 27 mars à partir de 20h du côté du Pâté Grenoble. Et justement, Charlie, petite dernière question, après Grenoble, est-ce qu'il y a des projets, notamment pour le film, peut-être dans d'autres villes françaises ? Alors, on a une quarantaine de salles dans toute la France qui veulent accueillir le film, donc on part en tournée. Après Grenoble, on voulait commencer la première à Grenoble, absolument. Ensuite, on part en tournée, on va à Noyon, on va à Villeneuve, on va à Nantes, on va à Rennes, on va à Marseille. Donc, avec ce film-là, aujourd'hui, pour l'instant, nous n'avons pas encore de distributeur, mais on veut que le film existe. Donc, on va à la rencontre des gens, chez eux, pas loin de chez eux, dans leur cinéma. Donc, c'est ça le projet pour le moment. Avant, évidemment, que quelqu'un vienne et nous fasse une distribution nationale. On rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est ce vendredi 27 mars à 20h, un événement qui vous attend du côté du Pâté à Grenoble. C'est l'avant-première du film Repose en paix si tu peux. On rappelle, c'est un projet tourné entièrement à Grenoble avec une équipe et des talents bien locaux, notamment en partenariat avec l'association Shaolin Shadow. Merci beaucoup, Charlie. Je t'en prie. Et puis, est-ce que tu as peut-être un petit dernier message à passer ? Venez nombreux, réservez vos places. C'est vendredi 27 à 20h au Pâté Grenoble. À bientôt. À bientôt.